pression, mec. Y'en a qui tiennent et d'autres qui craquent. Et moi je sais pas trop, j'encaisse les coups mais j'en ai marre. J'crains la dépression en fait, j'avoue j'ai perdu tout espoir. Il faut que je décompresse, en faisant la tournée des bars. Moi qui suis sportif, ce caractère correspond pas. C'est dans une flaque d'eau à terre que je vois le reflet de ma vie qui passe. J'ai répondu à l'appel au bout du fil, la voix du diable qui se marre, ça le fait marrer. Quand t'es dans de sales histoires, déçu par la vie, comme un obèse qui se regarde dans le miroir. Ici pas de paradis, car le même trop manipulait ses armes, capable de construire des chambres à gaz et des fours crématoires. L'humain je crois pas en lui, donc même en moi souvent je peine à croire. La pression augmentée pour la lâcher, certains n'hésitent pas à se piquer les veines. Pression mettre au grand pour nos petites, c'est pour y aller fort et les faibles, les riches et les pauvres dans des corps. Moi j'essaie de m'en sortir la tête haute, dis-moi si j'hallucine là. Pression est en hausse, comme les autres suicides, putain c'est moi que tu vis. Je fais juste de la musique, pas de la crapule, irresponsable de ça. Quand t'as touchable, on fait tout ça fusible, ils nous mettent sous pression, entre nos grosses bousilles. Sois bien sûr de ta propre, on appuie ton doigt sur la gâchette de ton fusil. Beaucoup sont tombés dans le piège, vont au-delà de ce qu'on te montre. T'es sous pression, faut que tu tiennes bon. Sous pression, comme une bouteille de gaz, même après le nettoyage, au Karcher, souvent tout reste crade. Sous les devoirs, nos ambitions clouées au sol. Moi j'avoue, j'en ai ras le bol. La vie me fait doubler mes efforts, c'est plus l'amour, mais l'alcool qui arrive à dénouer les cœurs. Moi ça me fait peur, la jeunesse est soufflée seule entre nous et eux. Y'a pas de mélange, ça fera toujours deux. Et la pression augmente, bordel, je vois tout défiler vite. On tombe dans le creux pour s'en sortir, on a trop pris des risques, ça devient dangereux. Pire qu'au volant, se taper une crise d'épilepsie. Encore un jeune qui a 22 ans, mais qui a déjà pris des rides, c'est sur ce banc que Melinda s'est dit, faut en finir, pression trop grande. Un peu plus tard, elle s'est ôté la vie. La pression augmentée pour la lâcher, certains n'hésitent pas à se piquer les veines. Pression mettre au grand pour nos petites, c'est pour y aller fort et les faibles, les riches et les pauvres dans des corps. Moi j'essaie de m'en sortir la tête haute, dis-moi si j'hallucine là. Pression est en hausse, comme les taux de suicide, putain c'est moi que tu vis. Je fais juste de la musique, pas de la crapule, irresponsable de ça. Quand t'as touchable, on fait tout ça fusible, ils nous mettent sous pression, entre nos grosses bousilles. Sois bien sûr de ta propre, on appuie ton doigt sur la gâchette de ton fusil. Beaucoup sont tombés dans le piège, vont au-delà de ce qu'on te montre. T'es sous pression, faut que tu tiennes bon. Sous pression, bloqué dans le réto, petit frère veut être grand et faire des thunes. Sans se lever tôt, il sait que les petits poissons se font bouffer par des requins marteaux. Alors à 14 ans, il se fait la main sur un fusil d'assaut. Il habite pas en France, mais ça l'empêche pas d'enculer Sarko. Dans l'ouragan, combien ont vu voler leur estado. Sous la pression, avec ses murs, marre des dos à dos, on galère en radeau. Pendant que dans les airs, ces enculés voyagent en première classe, faut se cramponner comme un montagnard qui escalade sur du verglas. Et ils sautent par la fenêtre, les toxicos se prennent pour Superman. Une chute de 24 mètres sur du béton, ça doit faire super mal. Lâcher la pression sans faire des sons, j'aurais pas su faire ça. La pression augmentée pour la lâcher, certains n'hésitent pas à se piquer les veines. Pression mettre au grand pour nos petites, c'est pour y aller fort et les faibles, les riches et les pauvres dans des corps. Moi j'essaie de m'en sortir la tête haute, dis-moi si j'hallucine là. Pression est en hausse, comme les taux de suicide, putain c'est moi que tu vis. Je fais juste de la musique, pas de la crapule, irresponsable de ça. Quand t'as touchable, on fait tout ça fusible, ils nous mettent sous pression, entre nos grosses bousilles. Sois bien sûr de ta propre, on appuie ton doigt sur la gâchette de ton fusil. Beaucoup sont tombés dans le piège, vont au-delà de ce qu'on te montre. T'es sous pression, faut que tu tiennes bon.